dès l'âge de 12 ans, tu décides à foutre le camp et tu descends dans la rue, tu deviens un jeune délinquant. Tu rencontres les mêmes comme toi, eux aussi foutent le camp, parce qu'il n'y a rien à faire, car c'est la faute à ton père. Rien à faire. Oh non, non, non, toujours des galères. Dans la misère. T'as déjà quitté l'école, tu préfères le rock'n'roll. Elle est dépensée pour toi, alors tu traînes dans les bars. Même plus en balle en poche, tu finis ta nuit au poste. Ils comprennent pas les beaux gosses, ils comprennent pas les beaux gosses. Y'a la fin. Oh non, non, non, toujours des galères. Rien à faire, non, non, non, non, toujours les galères.